Bob Dylan et Like Rolling Stone sur Mint. On ne pourra plus dire Mint après minuit. Ah ben non, ça s'arrête. Il a donc été décidé d'arrêter Mint. Nous allons donc devoir être à la hauteur de ce moment un peu particulier qui arrivera dans quelques minutes. Avant minuit, on va devoir couper l'antenne. Alors pour ceux qui se disent, il y aura pas on de mire. On fait un décompte, genre nouvel an ? Non. Non. Okay. Il y aura pas de mire. Il y aura de la musique. Il y aura de la musique demain et à partir de lundi, Mint redeviendra ce qu'elle a été pendant quelques années après 2008, c'est-à-dire une web radio, mais ce sera sans nous. C'est la Sweet Alone version acoustique sera, bah oui, c'est le dernier acoustique. C'est l'ultime. Hein, Et qu'est-ce qu'on dit de ça ? Rien. On n'a rien à dire. Écoute, de Céline. Il n'y a que du talent. Voilà. Que du talent. Une artiste majuscule et belge en plus. Elle est très sympathique. Elle est sympathique. Elle est adorable. Elle est adorable. C'est la Sweet Alone acoustique sur Mint. Je crois que ça y est, là maintenant, Sylvie va vouloir fermer la boutique. On va mettre un peu de musique, les choses, les enterrements, c'est toujours plus agréable en musique. C'est et puis, vrai. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les enterrements en général, il y a toujours un truc qui fait que tout le monde sait ce qu'il doit faire et c'est gay. à la fin. Ah, c'est parce qu'après, on va manger des sandwichs. Voilà. Avec une jatte de café. Sais pas. En tout cas, nous, on va tous se réunir à partir de maintenant. Sans vous, évidemment. Dans quelques instants, on va couper Mint. Alors, comme on vous le dit avec Sylvie tout à l'heure, on va couper, mais on va pas tout à fait couper parce qu'il restera de la musique. Ce sera sans nous. C'est pas une situation qu'on a désirée, non. Mais c'est une situation qu'on doit assumer. Et le mieux possible, Sylvie. Subir, ça s'appelle, mais bon. Alors, je voudrais remercier quelqu'un à qui qui était là très tôt à partir de depuis 8 heures ce matin, pendant 4 heures. Et qui est encore là. Et qui attend lui aussi ses sandwichs et sa jatte de café. Et qui est. Et mes tickets restaurants. Et qui est venu nous chercher. Alors, c'était pendant l'été 2016, quand moi je rentrais des États-Unis et que je m'ennuyais un peu à la RTBF. Et bien, Vianney m'a dit on va faire de la radio, on va faire ce que tu as envie de faire. Et c'était, je pense, la première fois qu'on m'a dit un truc comme ça dans ma carrière. Et donc, forcément, il fallait sauter sur cette occasion. C'est marrant. Parce qu'il m'a dit exactement la même chose. C'est vrai? Ouais. Et moi, je m'attendais à une réponse sexuelle. Eh ben non. Oh, zut. Et donc, Sylvie aussi, qui était sur une autre chaîne avec une montgolfière. Elle était rouge ou blanche à l'époque? Rouge, elle était rouge déjà. Et Vianney est allée chercher Sylvie. Et Sylvie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... Je dis, ça dépend, Cédric est là ou pas? Et donc, voilà, oui. c'est ainsi que l'histoire a commencé. Et donc, un énorme merci. On a remercié à peu près tous ceux, on espère vraiment qu'on n'a oublié personne, les auditeurs en premier lieu qui nous ont aidés à... J'avais remercié les partis politiques? Non. Ah, zut! Ah, c'est vrai, on n'a pas... Philippe de l'usine? Non. Non. Ah. Non. Ah. Non, c'est vrai. On a oublié de remercier les grands patrons du groupe industriel derrière lequel Mint se cachait depuis quelques années. Enfin, ça se cachait pas vraiment d'ailleurs. Mais voilà, l'aventure se termine dans quelques instants. C'est, je le redis, une situation qu'on n'a pas souhaité du tout, mais on est obligé de l'assumer. Et donc, on a sauvé la musique. On a sauvé la musique et on dit un énorme merci à Vianney. Qui est avec et nous. Et aux auditeurs, merci. Surtout. Et aux auditeurs. Et parce que Vianney, c'était non seulement la personne qui vous éveillait le matin, à partir de 7h, de la manière la plus originale qui soit, et c'est pas évident le matin, parce que tout se ressemble, mais c'était aussi notre directeur d'antenne. Jusqu'à maintenant. Là, maintenant, c'est fini. Non, on continue. Tant qu'on parle. Un petit mot, Vianney, rapidement. Parce que j'ai perdu l'entièreté de mes mots. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire ce matin. C'est vrai. Et en fait, depuis deux minutes, je cherche. Mais comme j'ai retiré Facebook de mon téléphone, étant donné que ça me faisait un petit peu trop mal de recevoir tous les messages, je voulais quand même en ressortir un ou deux qu'on a reçus hier ou avant-hier. Mais je ne l'ai pas sur mon téléphone, donc je vais frustrer tout le monde. Mais c'était des super messages qui remerciaient beaucoup pour la musique, parce que les gens sur Mint écoutent principalement pour la musique. Et donc, c'est la bonne nouvelle pour vous, auditeurs, c'est que finalement, à force de se battre, la musique va quand même continuer. Et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est normal. On est très émus. Ce qu'on va faire, nous, on va aller boire des petits coups ensemble et on va vous laisser avec la musique à partir de maintenant. On vous remercie, on vous embrasse. Et comment on termine comme ça, un enterrement ou comment on... Avec un fou rire. Avec normalement, il y a toujours un fou rire pour un enterrement, donc je vais raconter une blague. Je n'en connais malheureusement qu'une. Tu connais commissaire? Non? Ben, mets ton doigt dans mon cul, tu verras commissaire. Voilà. Dont acte! Dont acte, oh Sylvie, dont acte. Ah oh non, ah oh non. Voilà, on vous fait... Si, non? Non, mais ben non. Non, je suis désolée, mais ça fait trois ans qu'on essaie de véhiculer des valeurs. Des bonnes valeurs, oui. Et puis alors on termine sur une blague aussi pourrie, mais ça me fait trop de la... Non, mais je vais me porter volontaire, alors Sylvie. Vous allez tellement... Voilà. Nous manquer. On enregistre ça, on garde ça pour la postérité. Merci d'avoir fait partie de l'aventure de Mint. À bientôt. Ou pas. Ou pas. Pop. Pop. Rock. Rock. Mint.